Nous sommes rendus aux commentaires de disques de la semaine, commentaires de disques que vous pouvez lire sur les sites de Centre Art, Québec Pop ou encore ma page Facebook de Canrock. Cette semaine, Accro de la chanson 2018. Accro de la chanson en est à sa 14e édition en 2018. Ce concours de chansons dans les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick invite les jeunes artistes à écrire des compositions originales en français. La Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick, la FJFNB, encadre ces jeunes artistes avec des réalisateurs et musiciens professionnels afin d'enregistrer les 6 meilleurs participants venant des 4 coins du Nouveau-Brunswick. Cette année, on a droit à 3 auteurs-compositrices-interprètes pour la catégorie solo et 3 bons groupes qui se démarquent les uns des autres. En solo, l'album s'ouvre avec « Perdu » de Maude Saunier de Miramichi, qu'on va entendre dans quelques instants. Elle nous offre une mélodie country au refrain très accrocheur. Audrey Basque-Gauguin de Tracadie nous fait craquer avec « Seul », une super ballade des plus profondes avec une trame de piano presque divine. Et le texte, c'est le magnifique texte de l'album, selon moi, nous est livré avec une voix en plein contrôle, mais qui laisse entrevoir une fragilité dans l'âme. Finalement, Amélie Galland de Dieppe, qui en est à sa 2e présence en finale, nous offre le verre d'oreille de l'album « Anyways », qui est un très beau texte, un des plus beaux textes sur l'album. Donc, on va entendre ça en fin de commentaire. Je vous donne une adresse, fjfnb.nb.ca. Allez faire un tour là, allez voir « Accro de la chanson ». Voici Maude Saunier de Miramichi avec sa chanson « Perdue » à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. J'aimerais m'en aller, sortir de ce monde, de cette réalité, de ce monde insensé. Finalement plonger dans un monde imaginaire. Mais je trouvais ça devrait se faire. Maintenant je suis perdue dans mon petit monde. Personne à mes côtés. Mais c'est bien correct avec moi. Ça devrait bien aller. n'est plus une de mes pensées. La vie va continuer. Personne ne peut m'arrêter. Au niveau des groupes, bien les Monosiques de Batters nous livrent un blues rock solide, le blues du roux, qui est vraiment captivant. Pour les trois ajustés de Frédéric Thune, c'est avec « Je m'en vais » qu'ils réussissent à nous charmer. Un beau crescendo pour un autre excellent texte. L'album de cette année se termine par un bon rock solide, un titre prédestiné, né pour le rock'n'roll de Track of Rock de Chipaga. Et encore là, c'est très entraînant, très bien enregistré également. Donc, c'est merveilleux. La semaine prochaine, je vous passerai les trois groupes en rafale. Mais cette semaine, on va continuer avec le solo comme musique. Et en solo, on a cette pièce qui s'appelle « Seul » d'Audrey Basque-Gauguin. Selon moi, c'est la pièce de l'album. C'est la partition de piano est vraiment là, écœurante. Et laissez-vous charmer par cette belle voix-là qui est celle d'Audrey Basque-Gauguin. Voici tout simplement sa chanson « Seul ». Je suis sage comme une image, je ne veux jamais parler, je suis sombre comme un nuage, mais je finis toujours par pleurer. Mon seul ami, c'est mon ombre, il me suit toujours par en arrière. Qui est là quand moi je tombe, même dans mes étranges barrières. Mon corps encaisse les coups et ma tête retient les. Je fais semblant d'aller bien, mais dans le fond, je suis seule. Parfois je me sens si seule, quand le monde ne tourne pas. Je me sens comme un vieux déchet, que personne ne veut de moi. Je suis sage comme une image, je ne veux jamais parler. Je suis sombre comme un nuage, mais je finis toujours par pleurer. Mon corps encaisse les coups et ma tête retient les mots. Je fais semblant d'aller bien, mais dans le fond, je suis seule. Semblant d'aller bien, mais dans le fond, je suis seule. Accro de la chanson de la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick, la FJFNB. a vu au fil des années des artistes acadiens importants à passer dans leur rang. Qu'on pense aux trois membres féminins de les Hey Babies. Qu'on pense aussi à Caroline Savoie, Émilie Landry, Maxime McGraw, Jean-Marc Couture, tous des artistes qui connaissent de très bonnes carrières au Québec. Donc, encore une fois, cette année, pour la 14e édition en 2018, la FJFNB nous présente sûrement des artistes acadiens de demain. Je vous invite à découvrir ces jeunes remplis de talent en visitant le www.fjfnb.nb.ca et vous cliquez sur l'onglet « Accro de la chanson » et vous pouvez même écouter des concurrents des années passées. Je pense qu'on peut tout écouter du début jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment merveilleux. fjfnb.nb.ca. On va y aller avec une dernière pièce, si vous voulez bien, une dernière auteur-compositrice-interprète qui est à sa deuxième finale cette année. Et c'est vraiment une très belle chanson, ça s'appelle « Anyways ». Il s'agit tout simplement de Amélie Galland de Dieppe qui nous offre, je vous jure, là, le verre d'oreille de l'album. Vous allez entendre cette chanson-là, vous allez la voir pendant une semaine de temps dans vos oreilles parce que c'est vraiment une très bonne chanson. Une autre année qui vient de passer, c'est presque impossible de les compter. Tu t'en vas où? Tu t'en vas loin, en tout comme moi, je sais pas trop, ben non. Les murmures de tes souvenirs qui pensaient s'en aller pour le pire. Dans ma tête, j'entends toujours les chansons d'amour qu'on chantait à nous deux, sans dire adieu. Sans dire adieu. Anyway, moi je serai pas médecin. Anyway, c'est certainement pas mon destin. Anyway, ton plan était plus clair que mien. En tout cas, ben moi je manquerai pas mon train. Se chausser les pieds parce qu'aller aux études post-secondaires, ça veut dire des gros béquilles que de chasse et des belles années prêtes à s'enjoyer. Anyway, cher, tu rencontres l'amour de ta vie, puis celui-ci, tu vas te sourire. Anyway, hey, I'm not afraid to die. croix sur le Mont-Royal. C'est moi qui t'accompagne aussi loin de Montréal. Notre bloc de l'Est Québec-Ontario avec un gars qui devrait être au 7e ciel ces temps-ci parce que ça va très bien pour sa chanson « Loin de Montréal ». Effectivement, M. Édouard Landry de Sudbury se retrouve plus ou moins le premier. Il est sur le top du palmarès franco-country de Stingray. Et ça, devant des artistes quand même assez importants, Danny Boudreau, Les Bouches B, S.V. Ray, Amélie Hall, Johan. En première position de ce palmarès-là, c'est « Loin de Montréal » de M. Édouard Landry. Une très bonne chanson que je dis souvent, mais c'est vrai. Ça me fait penser à du bon vieux Fleetwood Mac. De très bonnes guitares, bon rythme, beau texte, belle mélodie. Donc, bravo à M. Édouard Landry de Sudbury. On va poursuivre, si vous voulez bien, avec trois chansons féminines, si on peut ainsi dire. Il y a premièrement « Tous ensemble » de Haricot qu'on va entendre. Haricot offrira un concert dîner le vendredi 25 mai à 18h30 au Centre culturel de Midland. Par la suite, on va entendre « Océan » de Georgian Bay, dont fait partie Kelly Lefebvre de Haricot. Et eux, ils viennent de lancer un nouvel album, « Courage, volume 1, soleil », avec une très bonne chanson, « Océan », vous allez voir. Et en parlant de très bonnes chansons, une chanson qui a beaucoup de belles critiques, beaucoup de belles appréciations sur les réseaux sociaux, c'est « Le monde est con » de René Ray de Capus Casing, qui demeure maintenant dans la région d'Orléans et qui fait partie des finalistes de Rond-Point 5. Vous allez voir, « Le monde est con », très, très belle chanson. Et pour l'instant, voici Haricot, « Tous ensemble ». Découvrir de Dame Delia, di-da-da-da, francophone, ontarien. Aujourd'hui, Dame Delia, di-da-da-da, célébrons en chantant tous ensemble. Dame Delia, di-da-da-da, francophone. Des grands yeux, mais je vois pas souvent clair. Je pense encore que le monde est beau. Je vois la vie comme un cadeau. J'ai toujours voulu être heureuse.